Le chevalier au berceau par Louis Sonnelet. Isabeau, Louis. À travers les corridors noirs, dans le dédale des escaliers qui mènent à la plateforme du donjon, Dame Yolande poursuit sa course folle, son appel est perdu. Sur les marches hautes et disjointes, elle trébuche, tombe, se relève avec du sang aux mains. Aux voûtes surbaissées, elle heurte douloureusement son long hennin de brocart et de perles. Les armes emmordonnées qui jonchent les dalles accrochent sa robe gaufrée, historiée d'armoirie. Mais qu'importe, il faut qu'elle court, qu'elle les retrouve, et qu'elle emporte bien loin, serrée contre son cœur de mère, les 12 enfantelets que tout à l'heure elle berçait de sa chanson. Et le cri de sa chair et de son désespoir fait vibrer d'un écho d'angoisse les voûtes profondes. Isabeau, Loïs. Le château de Montivilliers vient d'être pris d'assaut. Le long de ses flancs de granit, les gens du roi de France montent, se poussent, s'accrochent par grappes grouillantes comme des mouches d'acier sur le cadavre de quelque géant vaincu. Et dans les cours, les couloirs, les grandes salles, c'est une ruée furieuse d'armures, de bourguignottes, de lances que domine ce cri de tuerie, mort à l'anglais. Car en fidèle vassal de Monseigneur le duc de Bourgogne, le sire de Montivilliers tenait pour les léopards contre les fleurs de lys, et avait osé opposer l'orgueil de son colosse de pierre à la marche victorieuse des bandes de Charles VII dans les plaines de la Marne, toutes vertes de printemps. Ah, ce siège de 3 jours, terrible, foudroyant, avec quelles alarmes de châtelaines, d'épouses et de mères, Dame Yolande l'avait suivi. On eût dit que les gens de France marchaient à la mort par une mystérieuse inspiration. Et parmi eux, Dame Yolande avait remarqué un chevalier qui, malgré les périls, ne cessait d'intriguer sa curiosité de femme. Sous son armure blanche, il se montrait toujours au plus fort du danger, et bien qu'il commandât l'attaque et entraînât l'assaut, jamais il ne donnait la mort. Au lieu d'épée, sa main brandissait une oriflamme, talisman de victoire, qui semait autour de lui la terreur et l'extermination. Et maintenant, il était maître du château. C'était la mort pour tous. Pour Isabeau, pour Loïs. Grand Dieu! À cette pensée, Dame Yolande sent son cœur s'arrêter dans sa poitrine. Ah, pourquoi les a-t-elle quittés tout à l'heure? Elle aurait si bien su les défendre, les sauver, tandis qu'elle berçait leurs songes d'oiselets heureux. Pourquoi sa maudite curiosité l'a-t-elle menée encore une fois à cette échauguette de guetteur dont l'on voyait si bien la bataille? Légère, impétueuse, haletante, elle continue de courir, heurtant parfois un corps inanimé et sanglant, saisissant au passage l'écho d'un râle. Mais enfin, voici la porte qui lui cache tout un monde de joie ou tout un avenir de désespoir. Alors elle s'arrête. Son cœur bat furieusement. Une sueur glacée inonde ses tempes. Mais soudain, par un merveilleux retour, malgré le doute affreux, l'instinct de la mère attentive et soigneuse reprend tout son pouvoir. Et comme chaque soir à l'heure du coucher, avec 1000 précautions savantes, elle ouvre tout doucement, forçant au silence son pas, sa robe au pis sonore, pour ne pas éveiller de leurs songes enchanteurs les beaux chérubins endormis. Mais l'étrange surprise, dès que la porte cède, des sons mélodieux viennent frapper son oreille. Non, non, ce n'est pas possible. C'est l'angoisse qui trouble la raison, les sens de Dame Yolande. Elle tend avidement l'oreille, retient son souffle, écoute encore. Et dans la paix profonde de la chambre, une naïve cantilène continue de vibrer, mélancolique et tendre. Agnolet, mes beaux agnolets, au patour vous irez seulet. Votre berger s'en est allé, à mes 6 rois, baillez service. Oh, cette vieille chanson de pâtre! Dame Yolande la connaît bien. Elle l'a tant entendue jadis dans son pays de Lorraine, sous les vastes horizons où fuient les sapins noirs. Un peu d'allégement pénètre dans son cœur et, tout émue d'une incompréhensible douceur, rassurée déjà, elle entre. Dieu soit loué. Les petits sont toujours dans leur berceau. De leur bouche entr'ouverte, un souffle régulier sort paisiblement. Et pourtant, presque à cette seconde d'indicible joie, la châtelaine a poussé un cri déchirant. Une effroyable terreur a passé dans son œil agrandi et fixe. Oh, l'atroce vision, l'épouvantable stupeur! Près du berceau, penché sur les fronts radieux d'Isabeau et de Loïs, il est assis, lui, le farouche chevalier à l'armure blanche, le chef surnaturel qui, par un charme miraculeux, sème partout la mort. Son oriflamme est auprès de lui. De derrière sa visière close, la rustique mélodie s'envole, légère et douce, comme si elle sortait des lèvres d'une femme. Et de son gantelet de fer, il berce le sommeil des deux petits avec le rythme attendri, avec le soin délicat et ravi d'une jeune mère vigilante. Ah, comme Dame Yolande tombe désespérément à ses pieds. Avec quel geste, quel accent d'égarement elle lui crie. « Pitié, pitié pour eux, messire chevalier, c'est mon Isabeau, mon Loïs, laissez-les en paix. Si faibles, quel mal pourrait-il faire à monseigneur le roi de France ?» Alors, comme s'il revenait d'un long rêve, le mystérieux chevalier, un geste de surprise. Interdite, la châtelaine l'oua mettre un doigt à la hauteur de sa lèvre pour faire taire le déchirant cri de grâce. Il ne faut pas les réveiller, les deux dormeurs. Puis il relève sa visière et avec une tendresse à la fois retenue et passionnée, il met un long baiser aux deux petits fronts unis et clairs. « Sainte Vierge, vous les aimez donc, messire chevalier ? Si je les aime ?» Tout ému d'un accent si pénétrant, Dame Yolande demande « Peut-être avez-vous laissé à votre foyer des enfants chéris ?» Le chevalier soupire, une larme brille au coin de sa paupière, tandis qu'il continue de sourire au sommet d'Isabeau et de Loïs. « Là, vous vous trompez, noble dame. Je dois mourir sans avoir connu les caresses des tendres enfonçons. C'est Dieu qui le voulut ainsi quand il me dicta mon grand devoir. Car j'ai nom Jeanne la Pucelle, et c'est par moi que va bientôt finir la grande pitié du royaume de France. » Dame Yolande demeura muette de surprise. Une femme ? C'était une femme qui venait de bercer Isabeau et Loïs ? Alors elle se souvint. On lui avait parlé de cette vierge inspirée, dont le pouvoir surnaturel faisait taire les couleuvrines et s'éparpillait au loin les bandes guerrières. Éprise d'une émotion respectueuse, elle joignit pieusement les mains, comme devant l'apparition d'une sainte. Jeanne continua. « Tout à l'heure, pendant l'assaut, je suis entrée ici. Le bruit avait réveillé vos deux petits, et ils pleuraient dans leur berceau. Alors j'ai tout oublié, et mon cœur de femme s'est rouvert, pour la dernière fois peut-être. Oh, j'ai bien su les endormir. » La mignonne Isabeau ne voulait pas fermer ses beaux yeux. Mais je me suis rappelé pour elle la vieille chanson avec laquelle je berçais à Don Rémy le sommeil de mes petits frères. Et maintenant, voyez comme ils sont paisibles et sages. Ce doit être si doux d'être mère. Ah, quel élan de pitié pousse Dame Yolande vers la Vierge guerrière. Comme leurs cœurs se fondent étroitement dans le divin sentiment maternel. Alors, il n'y eut plus deux ennemis, mais deux femmes avec une seule âme. Longuement, tout en pleurant, elles s'embrassèrent. Et dans ce baiser, dans ces larmes, un instinct mystérieux faisait communier celle qui avait cru perdre la chair de sa chair, et celle à qui sa mission trop haute refusait la joie promise à toutes les femmes, le gazouillis d'un petit enfant. Mais déjà, Jeanne s'est reprise. Dans ses yeux extasiés, la flamme surnaturelle avait chassé les larmes. Elle joignit les mains en murmurant « J'entends mes voix. Il faut que je parte, car le son de France n'est pas encore maître. Dieu soit avec vous, noble dame. Priez-le bien pour moi quand je ne serai plus. » Elle sortit d'un pas ferme, tenant à la main sa bannière. Dans la cour du château, les gens de France formaient leur rang pour marcher vers Compiègne. Jeanne d'Arc alla se mettre à leur tête au pas tranquille de son palefroy. Elle avait étouffé à Montivilliers le dernier cri de sa chair et de son cœur, et maintenant, impassible et sereine, elle marchait d'un cœur assuré au terme de sa mission, au martyr. C'était Le Chevalier au berceau, par Louis Sonnolet.